Caningaê. Potia tembeteo. Ona delice. Bana delice, mama et musique à novelle. Potica bango et va me cano dona novelle. Gai pilo et ganga te duateo. Potica delice, musique à novelle. Bana delice, mama et musique à nos métiers. Potica bango et va me cando tona va nos métiers. Gai filo et nali qui canda tes ou à terre. Potica delice, musique à nos métiers. Tata timba delice, bovina la rumba noveltie. Oreta tata timba noveltie, bovina la rumba noveltie. Makala yariwa na kafiloe, bovina la rumba noveltie. Nakole la pena kabanza yoe, bovina la rumba noveltie. Bovina la rumba noveltie, ae delice nano.